C'est un nom magique, Kennedy. Un nom qui fascine, qui fait pleurer et qui fait vendre. Des journaux, des films, des émissions de télévision. On l'a encore constaté récemment, à l'occasion de la mort dans un accident d'avion du fils de John Fitzgerald Kennedy, celui qu'on avait vu enfant suivre le cercueil de son père assassiné à Dallas et qu'on appelait alors John John. Les Kennedy fascinent parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont puissants et presque naturellement destinés à exercer le pouvoir. Et aussi parce que la saga familiale est parsemée de drames, ce qu'on appelle un peu trop facilement la malédiction Kennedy dans les journaux en mal de sensations. De drames, mais également de scandales. Monsieur X a déjà évoqué devant moi l'histoire des Kennedy lors d'un entretien consacré à la mort de JFK. Et mon interlocuteur avait alors longuement parlé des relations du clan Kennedy avec la mafia. La mafia qui aurait aidé John Kennedy à se faire élire président des États-Unis. Nous allons y revenir. Mais il faudrait aussi parler des nombreuses frasques amoureuses de JFK avec des prostituées, des femmes liées au grand banditisme ou encore des call girls suspectées par le FBI d'entretenir des relations avec des agents de l'Est. Bref, des aventures sexuelles auprès desquelles les écarts de Bill Clinton semblent d'aimables batifolages. Et puis, il y a Marilyn Monroe, que les deux frères, John et Bob Kennedy, se seraient partagés. Pire, selon un livre récent écrit par Don Wolfe, Marilyn Monroe, enquête sur un assassinat, Bob aurait même été personnellement impliqué dans la disparition de la star, abandonnée par les deux frères et prête par dépit à révéler quelques secrets dévastateurs sur les Kennedy. Bob, justement, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Après la mort du fils de JFK, j'ai eu la curiosité d'interroger M. X sur l'assassinat de Bob Kennedy en juin 1968. Savait-il quelque chose? Pouvait-il expliquer le geste fou de Siran Siran, ce jeune Palestinien qui a déchargé son pistolet sur le candidat Kennedy en pleine campagne présidentielle? Et d'abord, s'agissait-il de l'initiative d'un tueur isolé ou bien Siran n'avait-il été qu'un instrument? Bref, dans les services, comme l'on dit, avait-on une hypothèse à formuler ou des informations précises sur l'assassinat de Bob Kennedy? Comme à son habitude, M. X ne m'a pas répondu tout de suite. Mais je dois supporter ses mystères, sinon ses caprices. Il parlerait à son heure. Sans doute, après avoir interrogé ses anciens amis des services, cette nébuleuse d'agents actifs ou à la retraite qu'il continue de fréquenter et qui lui permettent semaine après semaine de nourrir nos entretiens d'informations inédites et toujours surprenantes, même quand il n'a pas vécu personnellement les affaires qu'il me raconte. Et ce soir-là, lorsqu'une nouvelle fois nous nous sommes rencontrés, M. X a posé un dossier devant lui. Il y avait écrit en lettres rouges « Robert Kennedy ». D'où venait ce dossier? Mon interlocuteur a refusé de me le dire. Et d'ailleurs, M. X, se fiant à sa mémoire, ne l'a pas ouvert une seule fois. Mais ce qu'il contenait, assurément, était explosif. Nous écoutons M. X après ces quelques notes de musique. If you listen, you can hear it call. Wailaree. Wailaree. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Love is a traveler on the river of no return, swept on forever to be lost in the stormy sea. Wailaree. No return, Wailaree. I can hear my lover call, come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Savez-vous que l'assassin de Bob Kennedy est toujours en prison ? Après plus de 30 ans ? Oui, et pourtant régulièrement cet homme de 55 ans dépose des demandes de libération conditionnelle. Mais elles sont toujours refusées. Mais pour quelle raison à votre avis, hein ? Officiellement, on dit que le crime de Sirhan B. Sirhan a été une telle atteinte à la démocratie qu'il est hors de question de le libérer. Et officieusement ? On peut imaginer que sa libération serait l'occasion d'ouvrir la boîte de Pandore. Il y a des secrets d'État qu'il vaut mieux laisser dormir. On ne veut donc pas qu'il parle. On ne veut surtout pas que Sirhan Sirhan apparaisse pour ce qu'il est en réalité. C'est-à-dire un assassin qui a été habilement manipulé. Enfin, là n'est peut-être pas l'essentiel. Ce que l'on veut d'abord dissimuler, ce sont les vraies raisons qui ont poussé les commanditaires à armer la main du meurtrier. Mais pourquoi alors ? Par exemple, pour préserver la mémoire de la victime. Bob Kennedy. Oui. Pardonnez-moi, mais il y a déjà quelque temps qu'on ne se fait pas plus beaucoup d'illusions sur les qualités morales des Kennedy. Vous avez raison, mais il y a encore beaucoup de dossiers qui ont été à peine entrouverts. Mmh. Un rappel quand même, avant de poursuivre, Sirhan Sirhan a bien été condamné à mort. C'est exact. Le jeune homme a été jugé et condamné au début de l'année 1969. Et au fait, qu'a-t-il dit pour sa défense ? Rien, ou presque. Il a prétendu qu'il avait bu, il ne se souvenait pas d'avoir tiré sur Bob. Il n'a donc fait aucune révélation ? Aucune, non. Mmh. Et très logiquement, les jurés l'ont déclaré coupable. Il est donc condamné à être exécuté dans une chambre à gaz. Puis vient le temps des recours. Et vous savez comme ils peuvent être nombreux outre-Atlantique. Certains condamnés peuvent traîner des années dans le couloir de la mort avant d'être exécutés. Or, en 1972, l'État de Californie abolit la peine de mort. Sirhan B. Sirhan voit donc sa peine commuée en réclusion à vie. C'est l'explication, donc. Mais on peut peut-être quand même revenir brièvement sur les circonstances de l'assassinat. Si vous voulez. On est donc au début juin de cette année 1968, une année particulièrement agitée, comme vous le savez, et pas seulement en France. Aux États-Unis, avant même les révoltes étudiantes, ce sont les questions raciales qui sont au premier plan. Et puis il y a eu l'assassinat de Martin Luther King. Oui, cet assassinat du prix Nobel de la paix, 2 mois avant celui de Bob, est à l'origine de véritables émeutes dans la communauté noire. D'autre part, il y a le problème du Vietnam. Le président Johnson, continuant sur la lancée de Kennedy, n'a cessé d'y engager toujours plus les États-Unis. Il a même fait bombarder Hanoï, un engagement qui provoque des vagues de protestations, surtout chez les jeunes. Et c'est dans ce contexte que se déroule la campagne électorale. Exactement, et Bob Kennedy se lance à corps perdu dans la bataille. D'abord pour être désigné comme le candidat démocrate à la présidence. Et quels sont alors ses adversaires, rappelez-moi. Dans le camp démocrate, ils sont 2, Eugene McCarthy et Hubert Humphrey. Mais à l'évidence, pour l'opinion publique américaine, c'est Bob Kennedy le favori. Au fond, la présidence Johnson n'a été qu'un intermède. Un Kennedy doit succéder à un autre Kennedy. Ouais, la dynastie, en somme. Tout à fait. Depuis que le vieux Joe a fait de son deuxième fils à coups de millions de dollars un président des États-Unis, il paraît évident que la Maison-Blanche est désormais un bien de la famille. Et après Bob, il y aura un jour Ted, naturellement. Ouais. Donc en 68, hein, c'est cette année-là qui importe, Bob est le favori. Oui. Il se bat sans concession contre ses concurrents, sans état d'âme, vous pouvez me croire. Tous les coups sont permis ? Bien évidemment. Et le 4 juin, en Californie, Bob triomphe effectivement devant McCarthy. À cet instant, sa désignation par les démocrates semble acquise. Et portée par le prestige de son frère assassiné, personne ne doute qu'il battra le candidat républicain qui sera certainement Nixon. L'homme que JFK a déjà éliminé en 1960. D'autant que Bob incarne la jeunesse, l'audace, la justice sociale, la lutte contre la corruption, et qu'il s'engage à régler au plus vite la question vietnamienne. Mais le 4 juin, on le sait, c'est aussi le jour où Sirhan Sirhan va tirer sur lui. Oui. Le soir, dès qu'il apprend sa victoire, Bob Kennedy quitte sa chambre d'hôtel et descend dans la salle de bal rejoindre ses supporters et les militants démocrates. Il veut les remercier, j'imagine. C'est ça. Ouais. Et il prononce un discours triomphal. Maintenant, il est sûr qu'à Chicago, en août, il sera désigné comme le candidat des démocrates. Aux alentours de minuit, Bob quitte la tribune. Il a rendez-vous avec des journalistes pour une conférence de presse, toujours dans le même hôtel de Los Angeles. Et tandis que la foule se presse autour de lui, un employé lui propose d'emprunter un couloir qui traverse les cuisines. Et c'est à ce moment-là... Oui. Tout le monde a pu le voir à la télévision, en direct. Soudain, des coups de feu claquent. 8, 10, 11, on ne sait pas trop, mais Bob Kennedy est touché et s'écroule. Oui, je me souviens parfaitement de ces images. Et vous devez aussi vous souvenir que le meurtrier est presque aussitôt maîtrisé par les gardes du corps de Bob. C'est un jeune homme, petit, maigre, aux cheveux frisés très noirs, qui a l'air hébété. Ouais, Siran, Bi Siran. Mais sur le moment, on ne sait pas qui il est, car il refuse de dire son nom. Il affirme simplement qu'il a fait cela pour son pays. Son pays, c'est... On apprendra plus tard qu'il s'agit de la Palestine. Siran est un citoyen jordanien originaire de Cisjordanie. Ouais, territoire occupé par les Israéliens depuis la guerre des Six Jours, c'est-à-dire très récemment. Et s'il a tiré sur Bob Kennedy, c'est que, affirme-t-il, le candidat démocrate a récemment fait des déclarations publiques très pro-israéliennes. On trouvera d'ailleurs à son domicile un carnet sur lequel il a noté « Kennedy doit être tué avant le 5 juin 1968 ». Et cette date C'est parce qu'elle marque justement le premier anniversaire de la guerre des Six Jours. D'accord. Mais vous m'avez dit plus tard que Siran Siran, lors de son procès, se contraindra de dire qu'il ne se souvenait de rien. Oui, il n'exploitera pas la revendication politique de son acte, contre l'avis de ses avocats d'ailleurs. En fait, mais vous devez déjà vous en douter, il apparaît que ce jeune Palestinien de confession chrétienne n'est pas très équilibré. Un garçon influençable ? Très certainement. Ouais. L'homme idéal pour accomplir l'assassinat qu'on lui a habilement persuadé d'exécuter. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. Have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago. Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, Chicago, that's my hometown. Deux mois après l'assassinat de Martin Luther King, cinq ans après celui de John Fitzgerald Kennedy, l'annonce de l'attentat commis contre son frère Bob provoque une intense émotion aux États-Unis. Mais les Américains espèrent, Bob Kennedy vit encore. J'emprunte ces quelques lignes parues dans la revue Historia au professeur André Caspi. Kennedy, transporté d'urgence à l'hôpital central, est maintenant dans le coma. Son pouls ne bat plus. Un massage cardiaque le ranime. Les blessures sont trop graves pour que des soins lui soient donnés dans cet établissement. Il est transféré dans l'hôpital du Bon Samaritain. Le chirurgien relève trois impacts de balles. Deux d'entre elles ont pénétré au niveau de l'aisselle. La troisième a détruit une partie du cerveau. Il faut opérer. Au petit matin du 5 juin, l'opération s'achève. Les prochaines 12 ou 36 heures seront critiques, déclare le secrétaire de Kennedy. Les Américains revivent la tragédie de Dallas, la journée du 22 novembre 1963, celle de l'assassinat de John Kennedy. Le président Lyndon Johnson prononce une courte allocution à la télévision. « Cette nuit, dit-il, notre pays affronte, une fois de plus, les effets de la haine, de la déraison et de l'irrespect des lois. Nous aurions tort, nous nous tromperions nous-mêmes si nous ignorions les liens entre la haine et cet acte de violence. » Sur son lit d'hôpital, Robert Kennedy agonise. Les médecins désespèrent de le sauver. À 2h du matin, l'information tombe. Le sénateur Robert F. Kennedy est mort aujourd'hui, 6 juin 1968, à 1h44. À ses côtés se trouvaient sa femme et elle, ses sœurs, Madame Patricia Lawford et Madame Stephen Smith, sa belle-sœur, Madame John Kennedy. Il avait 42 ans. La dépouille mortelle est ramenée à New York. Les États-Unis prennent le deuil. Les drapeaux sont mis en berne, les taxis abordent un crêpe noir, les écoles sont fermées. Une station de radio émet, 2h30 durant, un seul mot, shame, honte. Le cortège funèbre de 34 automobiles se rend à la cathédrale Saint-Patrick, en face du Rockefeller Center. Durant la seule journée du 7 juin, 150 000 Américains viennent rendre hommage aux défunts. Dans les jours qui suivent, Ethel Kennedy reçoit 325 000 lettres de condoléances. Vous avez parlé de commanditaires, d'hommes qui auraient armé le bras de Sirhan Sirhan, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et vous connaissez leur identité? Encore une fois, oui. Mais si vous le voulez bien, comme dans toute bonne enquête policière, on va d'abord faire la liste de tous ceux, ils étaient nombreux, qui avaient intérêt à se débarrasser de Bob Kennedy. Il me semble d'abord qu'il ne faut pas oublier trop vite la piste palestinienne ou arabe. Bien sûr, Sirhan Sirhan était né en Palestine. Et même s'il était venu très tôt en Amérique, il devait avoir gardé des attaches avec son pays natal. On a même prétendu qu'il aurait pu avoir agi pour le compte de Kadhafi. Mais tout ça n'était pas très sérieux. Pourquoi ? D'abord parce que le terrorisme palestinien est encore balbutiant, si je puis dire. D'accord, Bob s'était publiquement prononcé pour une aide militaire à Israël. Mais la plupart des politiciens américains étaient pro-israéliens. Alors pourquoi Kennedy et pas un autre ? Non. Il faut chercher ailleurs. Alors, après, les noms qui viennent à l'esprit sont ceux de ses adversaires ou concurrents politiques. C'est juste, mais je suis désolé de vous décevoir. Aucun des rivaux démocrates de Kennedy n'avait le profil d'un tueur. Et chez les Républicains ? Nixon, Rockefeller, non plus. Par contre, on le savait très bien, Bobby Kennedy n'était pas en odeur de sainteté chez les conservateurs les plus durs. Et surtout chez les sudistes. En particulier. Mmh. Ceux qui s'étaient ouvertement félicités lors de l'assassinat de JFK voyait d'un très mauvais œil son frère approché des plus hautes marches du pouvoir. Mmh, à cause de ses positions sur le problème racial, bien entendu. Ouais. Bob ne cachait pas que s'il était élu président, il ferait de gros efforts pour venir en aide aux plus démunis et supprimer ce qui subsistait de ségrégation entre noirs et blancs. Or, la situation raciale était très tendue, et les membres du Black Power menaient la vie dure aux institutions. Tandis que la police n'hésitait pas à tirer à balles réelles pour mater les manifestations. Mmh. Donc, pour ces sudistes-là, ces conservateurs, disons, Kennedy pouvait être légitimement considéré comme un allié objectif de ces dirigeants noirs. Exactement, et les extrémistes et racistes blancs, ceux de la John Birch Society, pouvaient être tentés d'utiliser la force pour éliminer Bob avant qu'il ne prenne le pouvoir. On a du mal à imaginer quel était alors l'état de violence aux États-Unis en cette année 1968. Des dizaines de noirs ont été tués, des milliers de maisons incendiées. À ce propos, après l'assassinat de Bob Kennedy, l'historien Arthur Schlesinger, ancien collaborateur des frères Kennedy, a fait une analyse de l'origine de ces troubles. « Les Américains, écrit-il, sont le peuple le plus effrayant de la planète. Ces actes de violence ne sont pas des accidents. Ils ont leur origine dans notre passé national. Ces actes ont commencé lorsque l'homme blanc s'est mis à assassiner les Indiens et à faire des esclaves de ceux qu'ils considéraient comme des inférieurs à cause de la couleur de leur peau. Nous sommes marqués par notre société d'un droit inné, la violence qui apparaît dans le zèle que nous mettons à poursuivre une guerre irrationnelle au Vietnam. » Mais refermons la parenthèse. Je suis sûr que le FBI a enquêté minutieusement dans ces milieux extrémistes. Mais rien n'a été trouvé. Il faut dire, et les hommes de l'agence fédérale étaient bien placés pour le savoir, qu'il y avait une autre piste, beaucoup plus prometteuse, même si la version officielle a toujours fait état de la seule responsabilité d'un tueur isolé. Alors, cette piste prometteuse, celle de la mafia, bien sûr. Cette mafia qui, d'après vous, aurait contribué au succès électoral de JFK. Alors, le conditionnel est superflu. La mafia, le crime organisé, comme on dit là-bas, a bel et bien aidé John Kennedy. Et c'est le vieux Joe et son père qui avaient fait une partie de sa fortune dans le trafic d'alcool pendant la Prohibition qui a le premier pris contact avec les gangsters de Chicago. Dans le célèbre Giancana. C'est cela. Lorsque nous avons parlé de l'assassinat du président Kennedy, je vous ai raconté comment, dans l'état de l'Illinois, la mafia avait pesé de tout son poids pour faire voter en faveur de Kennedy. Peut-être même bourrer les urnes. Or, cette élection présidentielle s'est jouée à très peu de voix près. Et le perdant, Richard Nixon, a même failli porter plainte tant la fraude semblait avérée. Mais il ne l'a pas fait. Hein. Non. Non, car il avait peur d'apparaître comme un mauvais perdant face à un Kennedy qui, d'emblée, a charmé l'opinion publique. Et il voulait préserver ses chances dans une compétition ultérieure. C'est bien vu, puisqu'il sera élu en 1968. Mais attends, attendez, revenons à la mafia, là. En faisant élire JFK, elle espérait naturellement en tirer profit. Bien sûr, c'était donnant-donnant. Et c'est là où le bât blesse. Le clan Kennedy n'a pas respecté toutes ses promesses. Les promesses passées avant l'élection. Bien sûr. Quelles étaient-elles, d'après ce que vous pouvez en savoir? Que volent les gangsters? Gagner de l'argent. Toujours plus d'argent sans que la police et la justice s'intéressent à leurs activités illégales. Donc on leur avait promis de fermer les yeux. C'est à peu près ça. Il y a aussi autre chose qui intéresse la pègre. C'est l'information. Attendez, l'information, soyez plus précis. Bénéficier en priorité d'une information, c'est capital pour faire des affaires. Ah, ça, c'est le délit d'initié. À peu près, oui. Enfin, pour faire des affaires ou pour être prévenu à temps qu'une menace pèse sur vous. Une menace d'arrestation, par exemple. Oui. Or, au temps de JFK, qui occupait le poste d'attorney général, c'est-à-dire de ministre de la Justice? Bob Kennedy. Lui-même, oui. Un poste éminemment stratégique, non? Et c'est d'autant plus important quand on sait que c'est le chef du clan, Joe Kennedy, qui a imposé Bob comme ministre de la Justice. Joe Kennedy qui avait négocié en personne, rappelons-le, avec les chefs de la mafia. Alors maintenant, vous comprenez? J'ajoute que la nomination de Bob avait un autre intérêt. En cas d'enquête sur les fraudes électorales commises dans l'Illinois, le nouveau ministre de la Justice avait les moyens de ralentir l'enquête ou même de l'étouffer. D'accord, mais vous avez dit que les Kennedy n'avaient pas tenu leurs promesses. C'est exact. Assez rapidement, ils se sont rendus compte que ces liens avec le crime organisé étaient extrêmement dangereux. Risque de chantage? Entre autres, d'autant que John Kennedy multipliait les imprudences. Ah oui, ça, c'est... Vous parlez de ses aventures féminines. Oui, quand on partage par exemple une de ses maîtresses avec un chef de la mafia, on devient vulnérable. Surtout quand on est président des États-Unis. Or, le FBI n'ignorait rien des frasques de JFK. Edgar Hoover, le patron tout-puissant de l'agence fédérale, savait parfaitement ce que les Kennedy devaient aux gangsters. Et c'est d'ailleurs pour cette unique raison qu'il était resté en place après l'élection de John. Là aussi, il y avait une sorte de chantage, en somme. Tout à fait juste. Et Bob, qui passait une partie de son temps à couvrir les imprudences de son frère, s'est décidé à agir. De quelle façon il a... En engageant ouvertement le combat contre le crime organisé. Oui, mais tout ce que vous avez raconté est vrai, c'est extrêmement dangereux. Je suis d'accord, et John le paiera de sa vie. Mais d'un autre côté, pour les Kennedy, c'était la seule façon de recouvrer une certaine liberté d'action. Et puis, c'était très populaire. Bob Kennedy gagnera personnellement un immense prestige, celui du champion de la lutte contre la mafia. Mais est-ce que cette lutte contre les gangsters a été réellement efficace? Je ne vous donnerai qu'un exemple. En 1964, donc après la mort de son frère, Bob réussira à faire tomber le puissant chef du syndicat des camionneurs, Jimmy Hoffa, un membre éminent de la mafia qui avait réussi jusque-là à échapper à la justice. Ouais. Alors, la mafia avait donc une excellente raison de vouloir éliminer Bob Kennedy dans la mesure où il semblait capable d'accéder au pouvoir. Incontestablement, d'autant que les chefs du crime organisé avaient rendu un autre service au Kennedy. Un service immense pour lequel, à l'évidence, il n'avait pas été payé de retour. Et en abordant ce secret, nous allons... nous aussi, nous rapprocher de la vérité. Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche. Qué melodiosa cantó. Tierra linda. que te quiero, a ti te canto mi son entero, mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. El sol se siente muy bien, el sol que no tiene fin, tocado por Chapotín y con versos de Guillén, el son como el romerillo que conserva la salud. Pregúntaselo a Portillo de la Luz. El son para que te asombres, ya me lo quieren robar. Hasta el mismísimo nombre, mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Ay, mi tierra linda, linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Mi tierra linda, porque te quiero, a ti te canto mi son entero. Eres cuna de los grandes, por eso el son es de aquí. Corazón, cantacheo para ti, eres preciosa, eres gigante y tú inspiraste, César Portillo, tu son entero. France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. Bob Kennedy, protecteur, chien de garde de son frère John. L'expression n'est pas exagérée tant, à de nombreuses reprises, Bob a fait en sorte d'étouffer ou de prévenir les scandales qui menaçaient la présidence de son frère. Dans un livre sans concession, La face cachée du clan Kennedy, livre paru aux éditions de l'Archipel, le journaliste américain Seymour Hersh décrit les rapports entre les deux frères. Exception faite de son père, Bobby Kennedy était l'homme qui comptait le plus pour John. Au début des années 50, toutefois, il lui arrivait parfois de lui cacher certaines choses, comme le prouve cette anecdote rapportée par Gloria Emerson. John avait une liaison avec une de mes amies. Or voilà qu'un jour, Bobby entre sans prévenir dans la chambre d'hôtel où il se retrouvait. Aussitôt, John dissimule mon amie dans un placard où elle est restée tout le temps qu'a duré la discussion entre les deux frères. Il y a donc bien eu une époque où John ne disait pas tout à Bobby. Mais ce fut de moins en moins le cas à mesure que le temps passait. Les Kennedy avaient toujours l'impression d'être traqués et se méfiaient du monde extérieur. C'est pourquoi tant d'hommes voulaient gagner la confiance de Kennedy. C'était une sorte de test pour eux. Hugh Seidey décrit les relations entre les deux frères comme une communication presque totale, comme une osmose. Chaque fois ou presque que j'ai parlé au président, le téléphone a sonné une ou deux fois et c'était Bobby. Ils avaient des conversations à voix basse, je ne crois pas qu'ils se soient jamais cachés l'un à l'autre de secrets importants. Richard Goodwin écrivit les discours de Kennedy pendant la campagne électorale de 1960, puis l'accompagna à la Maison-Blanche. Selon lui, Bobby était entièrement dévoué à son frère. Son but fondamental dans l'existence était de favoriser et de protéger la carrière de John Fitzgerald Kennedy. Retrouvons Monsieur X. Je l'ai interrompu au moment où il affirmait que nous allions approcher de la vérité. Le mot-clé, c'est Cuba. Cuba, expliquez. Retournons en 1960, quelques mois avant l'élection de John. L'administration du président républicain Eisenhower est décidée à se débarrasser de Fidel Castro. Quand vous dites se débarrasser... Ouais, bon, vous avez parfaitement compris, il faut l'éliminer physiquement. Et dans le même temps, on entraîne des exilés cubains, afin d'envahir l'île dès que Castro sera mort. Et qui est chargé d'assassiner Castro ? La mafia. La mafia qui a beaucoup perdu avec la chute du dictateur Batista. Cuba était en effet la chasse gardée des gangsters américains. Le jeu, la prostitution, la drogue, les hôtels, ils contrôlaient tout. Et d'un seul coup, avec la prise du pouvoir par les castristes, tout s'est écroulé. Ils veulent donc se venger. Naturellement, et surtout récupérer leurs biens et leur lucrative activité. Mais si l'on fait appel à la mafia, c'est aussi que les truands doivent avoir gardé des contacts sur l'île et qu'il leur sera facile de recruter un tueur. Alors j'imagine que c'est la CIA qui doit servir d'intermédiaire. Bien sûr, mais pour l'administration Eisenhower, il ne s'agit pas seulement d'ôter cette épine communisante plantée au sud-est des États-Unis et d'enrayer la contagion en Amérique latine. Il s'agit aussi d'assurer la victoire électorale du candidat républicain à l'élection présidentielle. Richard Nixon. Oui, la vice-présidente du général Eisenhower. Et il ne fait nul doute que l'élimination de Castro pèsera très lourd dans le choix des électeurs. Ouais. Donc, il faut donc faire assassiner Castro avant l'élection. Exactement. Mais c'est la mafia qui est chargée de l'exécution et les Kennedy, secrètement informés par un dirigeant de la CIA, ne l'ignorent pas. Je commence à comprendre. Lorsque le vieux Joe Kennedy, le chef du clan, va voir les chefs de la mafia... Il va leur demander de sursoir à l'assassinat de Castro, c'est ça. Et le parrain Giancana accepte et contribue ainsi de façon décisive à l'élection de John Kennedy. Cette affaire ne vous rappelle rien ? Non, je crois pas, non. Vous vous souvenez pas d'affaires pas si lointaines où l'on a fait en sorte de retarder la libération d'otages, enfin quelque temps avant une élection ? Ah oui, une élection en France ? Bien sûr. Ouais. Mais il y avait eu un précédent aux États-Unis en 1980. L'affaire des otages de l'ambassade américaine de Téhéran ? Oui. Le président Carter se démenait comme un beau diable pour obtenir la libération des otages avant l'élection du mois de novembre. Il a même ordonné une opération commando en hélicoptère qui a piteusement échoué. Ouais. Mais pendant ce temps, son rival, Ronald Reagan, a envoyé secrètement des émissaires en Iran. Des émissaires qui ont passé un marché avec les Mollahs. Retarder la libération des otages et nous vous livrerons des armes. Ce qui s'est effectivement passé. Après l'élection, oui. Et alors, pour ce qui nous occupe, là, les Kennedy ont donc passé un marché de ce type avec la mafia. En tout cas, il s'agit d'une nouvelle dette des Kennedy envers les chefs du crime organisé. Oui, c'est sans doute pour remercier la mafia que la nouvelle administration Kennedy lui confie le soin d'éliminer Castro. Donc, tout comme Eisenhower. Donc, oui, et comme Eisenhower, les Kennedy envisagent une invasion de l'île. Ah oui, ça sera la désastreuse opération de la baie des cochons. Une opération qui échoue pour au moins deux raisons. D'abord, Castro, malgré tous les efforts des hommes de la mafia, est toujours vivant. Et ensuite, parce qu'au dernier moment, Kennedy a refusé un soutien aérien aux envahisseurs. D'accord. On a déjà parlé de ça et on connaît bien l'histoire. Mais est-ce qu'on a une idée des moyens qui ont été envisagés pour assassiner Castro ? Oui. Une structure confidentielle avait été installée au sein de la CIA afin d'étudier les moyens les plus sophistiqués pour éliminer le leader Massimo. Le poison, surtout. On a envisagé par exemple d'empoisonner un de ses cigares. Connaissant le goût de Castro pour la plongée sous-marine, on a même pensé piéger un coquillage avec un explosif. Mais sérieusement ? Tout à fait. Dans les services, on ne manque jamais d'imagination. Mais les gens de la CIA ne devaient pas opérer eux-mêmes. Ce sont les hommes de la mafia qui devaient agir sur le terrain. Donc Castro a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Oui. Et s'il a survécu, c'est qu'il était si protégé que ça ? Protégé, c'est vrai, il l'était. Et ses services secrets veillaient. Mais si Fidel s'en est toujours sorti, c'est que la mafia pouvait difficilement agir avec lui. Pourtant, elle ne manquait pas de tueurs professionnels capables d'exécuter un contrat. Hein. D'accord, mais pas sur l'île. En arrivant au pouvoir, contrairement à ce que pensait l'administration américaine, les castristes avaient éliminé ou chassé les gangsters. La solution, c'était donc d'infiltrer un traître auprès de Castro. Eh bien, les gangsters ont échoué. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que les services castristes étaient remarquablement informés et que le milieu des exilés cubains était infiltré. Castro n'ignorait donc rien des tentatives effectuées en vue de l'éliminer. En tout cas, ce qui compte, c'est que vous affirmez que l'ordre de tuer Castro émanait du plus haut niveau du pouvoir américain. Formellement, les deux frères Kennedy voulaient absolument se débarrasser du leader cubain. C'était devenu, surtout après l'affaire de la baie des cochons, une véritable obsession. Et celui qui se mouillait le plus, protégeant ainsi son frère aîné, c'était Bob. Bob, qui se servait donc de la mafia contre laquelle il luttait par ailleurs. Oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est la vérité. Même si Bob a toujours nié avoir donné l'ordre d'assassiner Castro. Mais si Castro semblait tellement invulnérable, les Kennedy ont peut-être fini par se lasser, par renoncer. Non, je vous l'ai dit, c'était obsessionnel. Irrationnel, vous voulez dire. Comme vous voudriez. Mais vous pouvez expliquer ? Du point de vue de Bob, qui avait une haute idée du rang des Kennedy, ce fidèle Castro avait humilié sa famille. Lors de l'opération de la baie des cochons. Ouais. Oui, Castro avait ridiculisé JFK, il avait été à l'origine de son premier échec. Et ça, Bob ne pouvait pas lui pardonner. Alors jusqu'au bout, jusqu'à la mort de John, il s'est entêté. Au fond, c'était une sorte de règlement de compte. Non, vous avez parfaitement raison. Et à plusieurs reprises, il a à nouveau contacté la mafia pour assassiner Castro. Après la crise des missiles, par exemple, et encore quelques jours avant l'assassinat de JFK. Et là, de quoi s'agissait-il alors ? La cellule chargée de l'opération avait réussi à recruter à Paris un étudiant cubain castriste, prêt à trahir son chef. Un agent de la CIA lui a remis un stylo truqué muni d'une aiguille empoisonnée. L'étudiant devait l'offrir à Castro. Bob avait personnellement supervisé l'opération. Mais il y a eu Dallas. Et l'arrivée au pouvoir de Johnson. Bob Kennedy a dû renoncer à ses projets. Mais imaginez la réaction de Castro 5 ans plus tard lorsqu'il a compris que Bob Kennedy risquait d'être le nouveau président des États-Unis. Il a pensé qu'à nouveau Bob essaie de le faire assassiner ? Oui. Les services secrets cubains, je vous l'ai déjà dit, sont très efficaces. Et tenez, je ne suis même pas certain que Siran Siran ait jamais imaginé par qui il avait été en fait manipulé. Le journaliste américain évoque la section de la CIA chargée d'éliminer Castro, le détachement W, dirigé par un certain Bill Harvey, une section qui se révélait incapable d'accomplir sa mission. Voici ce que Seymour Hersh écrit à ce propos. Les hommes du détachement spécial W eurent droit à d'autres humiliations de la part de Bobby Kennedy qui, de plus en plus agacé de voir la situation piétinée, décida, au printemps 1962, de lancer sa propre opération. Une fois de plus, il se tourna vers la mafia. Sur son ordre, un agent de la CIA, spécialiste des opérations clandestines, nommé Charles Ford, devint son agent personnel. C'était là une requête sans précédent qui remonta jusqu'au général Marshall Carter, nouveau directeur adjoint de l'agence. Jusqu'à l'assassinat de John Kennedy, Ford passa son temps à contacter en secret les chefs de la mafia aux États-Unis et au Canada, tout en continuant à servir dans le détachement spécial W avec Harvey et Alpern. Selon ce dernier, Bobby était absolument convaincu que la pègre avait maintenu une présence à Cuba, car elle détenait encore beaucoup d'avoirs là-bas, casinos, maisons de jeu, prostitution et Dieu sait quoi d'autre. Il pensait qu'en se servant de ça, on pourrait obtenir certains renseignements sur ce qui se passait à Cuba. L'idée même était idiote. La mafia n'avait pas de réseau clandestin sur place, c'était beaucoup trop compliqué à installer. Et Castro disposait de services de sécurité à la hauteur. Il était impossible de nouer des contacts dans les grandes villes. C'est bien pourquoi nous opérions dans les campagnes. Il est bien possible, ajoute Alpern, que Bobby Kennedy ait aussi, par l'intermédiaire de Charles Ford, cherché à damer le pion à Bill Harvey en réussissant à trouver quelqu'un pour assassiner Castro. Charlie rencontrait Kennedy dans son bureau. Et bien entendu, le contactait régulièrement par téléphone. Jamais il ne m'en a rien confié, comme d'ailleurs à qui que ce soit. Il était l'homme de Bobby et personne ne touchait à lui. Il semble donc probable que Bob Kennedy ait été vraiment l'instigateur de tentatives d'assassinat contre Castro, mais en ce qui concerne la responsabilité du leader cubain dans la mort de Bob, je dois avouer que je n'ai trouvé nulle part une quelconque confirmation. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez aussi me joindre sur internet, peno@radiofrance.francenet.fr. Thank you.